bloquer le casque. Le son qui passe à gauche, à droite. 1, 2, 1. Putain, je veux dire, j'en ai marre, ce plâtre. J'ai plus rien, j'ai plus de VST, tout ça, j'en ai, ça m'a saoulé tout ça. J'ai plus rien à réinstaller, j'ai juste mis Windows, Reaper, le piano, une main droite, un bras cassé, un casse-couille. Ouais, j'en avais marre de Windows 10. J'avais Windows 10, ça ramait sur mon petit ordinateur qui est pas très puissant, le pauvre. Il y a quoi, 3 gigas avec un processeur double core. C'est un vieux ordinateur. Du coup, j'ai tout enlevé. J'ai mis Windows 7 et Reaper et Azio. Et j'ai ma carte son qui, des fois, prend la poussière. Du coup, j'ai trouvé d'où ça venait. Des fois, il faut la débrancher, la rebrancher. Bon, elle est vieille, hein. Ouais, mais je sais, Phil, t'avais raison. Mais il a fallu que je m'achète un Windows. J'ai acheté un Windows sur Internet. J'ai acheté ça, quoi, 10 euros. Ça fonctionne. XP ? Mais XP, c'était bien, ça. Par contre, il faudrait que je trouve une carte son IO4. Parce que la IO2... En fait, vous avez une entrée pour le casque et une entrée stéréo, mais tu peux pas mettre. Mais non, même pas. En fait, non, t'as une entrée pour le casque, une entrée pour le micro et une entrée mono. Sinon, enfin, il y a que deux entrées sur ce truc. C'est dommage. Ou alors, j'ai pas compris. Mais... C'est la IO4. La IO4, tu peux mettre 4. Attends, la IO4, tu mets mon. Moi, faut que je mette un micro, un synthé. En stéréo, et après comme ça, ça m'évite de tout débrancher. Bon, moi j'ai un plâtre, ça fait 17 jours que j'ai un plâtre, et ça me saoule, putain, mais ça me saoule, C'est rien, il y a beaucoup plus grave sur Terre, mais je peux vous dire que ça me saoule. Tu peux pas faire de la guitare, tu peux pas te branler. Bref, une phonique. Mais j'en avais une, je l'ai revendue. Là, je l'avais en plus. Mais à l'époque, ça prenait trop de place, alors je l'ai vendue. Ouais, je l'ai revendue. Ah ouais, l'aiguille à tricoter, ouais. Alors, j'étais voir le médecin, il m'a dit que c'était bon, que c'est en train de se ressouler. Mais il a dit, on attend encore un peu. Du coup, je pensais que j'allais enlever cette merde à la fin du mois, puis il faut que je le garde encore 15 jours après le mois. Jusqu'au 19 septembre, putain. J'ai fait du skate, du longboard que je viens de vendre aujourd'hui. Donc, je l'avais acheté 29,90€. Je raconte ma vie. Hein. Je l'ai acheté 29,90€ et je l'ai revendu sur eBay 23,90€. J'espère que la personne qui va l'acheter va pas faire comme moi. Ça vient pas du longboard, ça vient de la personne qui savait pas en faire. Eh ben, j'ai fait 10 minutes de skate longboard, ça s'appelle. Les premières 5 minutes, j'ai pris une belle gamelle. Et puis, à la fin, j'en ai pris une deuxième. Et j'ai tourné 4 fois autour du camion. J'avais super mal. J'ai réussi à ramener le camion. Et puis il paraît que j'étais un peu pas lourd, alors ma nana m'a amené aux urgences, et puis ben, le médecin, moi je croyais que c'était une entorse, donc je suis resté au moins 5-6 heures aux urgences, puis d'un coup le médecin m'a dit, bon, il faut qu'on mette un plâtre, il y a une fracture du poignet. Ah, j'ai dit, merde, c'est pas vrai. Voilà. Oui, camion, pas camion, enfin un fourgon, j'ai un fourgon. J'appelle ça un camion, mais c'est vrai, c'est pas un camion, c'est un Citroën Berlingo. Là, je commence un peu à avoir trop de véhicules. Il va falloir que je m'en dessaisisse. J'ai une Twingo, un Kangoo, un Berlingo et un Mercedes Vito. Ça commence à faire trop dans la rue. Les gens commencent à râler là. Longboard, ouais. Le longboard, c'est. Oui, c'est aussi un surf. Mais c'est un longboard avec des roulettes là. Donc c'est. En fait, c'est un skateboard. C'est deux fois la taille d'un skateboard, donc c'est un truc qui est très long et ça fait la sensation du surf sur le goudron. Sauf que moi, quand je suis tombé sur le goudron, eh ben, le poignet il a pas aimé. Et vu que je suis devenu gros, parce que je fous plus rien et que je bouffe comme un goré et que je picole, eh bien tout le poids du sumo Benjamin est tombé sur le poignet. Je peux dire que le poignet il a pas aimé les. Avec les voiles, ouais. Ah ouais, sur la plage, alors là, je pense que ça doit... Ils font les chars à voile, ça peut-être encore. Bon, enfin, je sais pas ce que je vais faire maintenant. Je vais acheter un canoë. Je pourrais pas me faire mal dans un canoë. J'étais pas prêt de descendre les pentes, Phil. Vu que déjà sur le plage, je me suis pris une gamelle, je crois que je les descendrai jamais. Pourtant, je fais du VTT, des gamelles, j'en ai pris, hein. Mais là. Peut-être pas aussi violente. On peut pas mettre la stéréo hein, sur Nio 2. J'ai bien cherché, mais. De quoi ? Alors le longboard sur l'eau, c'est moins dangereux, c'est sûr. Parce que tu tombes dans l'eau. Tu peux te noyer si tu sais pas nager. Alors le surf, j'ai déjà essayé. Mon frère m'avait offert un surf. Mais étant donné qu'on habite assez loin de l'océan, impossible de progresser. Et, j'arrivais à prendre les départs des vagues, et puis ça s'arrêtait là, quoi. Donc ça aussi, c'est un truc que je crois que mon frère a récupéré le surf. Il faut habiter au bord de l'océan pour faire du surf. Parce que c'est pas en habitant en Auvergne. Encore qu'il y a des trucs pour faire du surf, des piscines exprès, je crois, mais il n'y en a pas beaucoup en France. Je crois qu'il y en a en France. Ouais, un truc de môme. Et alors, attends. J'ai rencontré des gens et il y a au moins 15 personnes qui m'ont dit la même chose, la même phrase. Au bout d'un moment, je disais, bon, c'est bon, je la connais. C'est pas de ton âge, c'est pas de ton âge, c'est pas de ton âge. Je peux vous dire, quand on vous dit ça, c'est pas de ton âge. Tu dis, bon, mais quoi, c'est quoi? Je suis vieux, ça veut dire que 47 ans, t'es vieux, quoi. Merde. Je crois que le doyen qui vient de mourir, il avait 113 ans, c'est ça? Oui, moi aussi, je fais. Oh là, un problème de casque, là. Allô, allô? Ah, putain, il y a un petit problème. J'ai souffert le casque. Moi aussi, j'en faisais à 8 ans. Mais. Sur des champs? Avec des chariots.